Hype et Apro, 9-3, 9-4, 38, Esprit. Le vrai combat, ouais, je me dis. Sur les points, le ZAR, lève ton joint, lève ton droit dans l'état. Mais qu'est-ce qui se passe, poteau? Les polos se font rares. Et je crois bien qu'on va se remettre au rap. Qu'on saute contre une dépôt. Les stupes se mettent à piquer grave. On se croit à Guantanamo. Ils exercent des tortures au dépôt. Comme des animaux, on se dispute le terrain. Les anciens marchent en souterrain. Ma banlieue est en chien et les petits s'en battent les reins. 16 pigeons les reins. Rien que ça tape, rien que ça traîne, rien que ça traîne des tapes. Banlieusard, chômeur, dealer qui nique le smic en moins d'une heure. Banlieusard, sans lueur d'espoir qui finit par l'on se bat. Sale patate, on te sait ça même pour une petite sœur. Pas trop, y'a trop de mecs qu'on le. T'as une grosse chatte que t'es dormi chez ta meuf. Les keufs ont fait une descente à 6 du mat pour perquiser tout l'immeuble. Ça fait belle lurette qu'on se crame. Trop de psychodrames dans nos vies, trop de kilogrammes dans nos vies. Banlieusard, ne lâchons pas le combat. Pas à pas la rue nous a rendu des couillards. Banlieusard, nous avons les mêmes armes. La flamme de l'injustice brûle en toi et en moi. Banlieusard, ne lâchons pas le combat. Pas à pas la rue nous a rendu des couillards. Banlieusard, nous avons les mêmes armes. La femme de l'injustice peut l'envoyer en moi. Nos bifs se font aux bifs illégaux. En tant que banlieusard, on nous a trimé. Donc contre l'état, on se bif. On a trop d'égo, le spliff dans la main. J'te tchat, j'te touche, go. Sur la banquette arrière de l'auto. Y'a pas tel, on sait le ghetto style. Les keufs, on nous marre de me voir avec mes potes. Quand sur l'avenue, on s'installe. Toujours à l'affût d'un plan. C'est le star si on se plante. Pas un mot sur ce coup, et faut rester discret sur la planque. On se bouge quand l'argent nous manque. Voir rouge les yeux sur une banque. Terminer le sac plein, je veux surtout pas avoir de l'encre. On se couche tard, on se lève tard, toujours en retard quand on t'attend. Après avoir fait le tour de la ville, c'est dans le hall que tu tues le temps. Après l'école, c'est dans la rue que tu fais des fiores sup. Pas besoin de faire ma sup pour compter l'argent des stupes. Les CRS nous visent, un deuil on verse la tise. Ils veulent pas le comprendre, donc nique sa mère, c'est la devise. Banlieusard, ne lâchons pas le combat. Pas à pas la rue nous a rendu des couillards. Banlieusard, nous avons les mêmes armes. De l'injustice brûle en toi et en moi. Banlieusard, ne lâchons pas le combat. Pas à pas la rue nous a rendu des brouillards. Banlieusard, nous avons les mêmes armes. La femme de l'injustice brûle en toi et en moi. Tout a changé, je prends des nouvelles des potes par les journaux. Depuis que les mecs crèvent de chaud en vendant de la one dans leur fourneau. Cagoulé, extinct à la main qui tu vas fourrer. Tester ma banlieue, espèce de taré, t'as dû te bourrer. Eh, hey, volant que tu sors le pont, on sait qui vole en croquette. Ici, les armes partout, c'est bien que le shit en plaquette. Et même si l'état et ses tasses, les taxes nous raguettent, on persiste pour finir chef d'entreprise en claquette. On veut la vie de rêve, mais c'est une vie sans trêve. On a tous vu 100 fois la scène où le dos n'y crève. Et c'est la même de Bondy à Rive. Combien petit attendent au feu rouge pour ton 4 roues motrices? Ils ont tellement le mort carjacking qui t'arracherait même ta place de parking. Dans mon tour du ghetto, j'étais embarqué. T'es resté bloqué, plaqué sur le siège passager. Dans sa barre des pattes, procès, j'encule le préfet. Banlieusard, fier de l'aide. Nique sa race, tous ces bureaucrates qui nous dévisagent avec leurs vieux regards. Pour renaître des extraterrestres sur Paname. Hein, c'est quoi qui les gêne? Notre dégaine, notre attitude, on est sans gêne. C'est comme ça que leurs filles nous aiment. Okay. Hey. Voyant Black ou un jeune beurre dans une voiture. Tout de suite ils vont penser qu'il a volé. Ce pays est profondément raciste. Y'a peu d'égalité, de liberté, de fraternité. Tout ça c'est de la tchatch. Okay. Big up à tous les banlieusards qui se débrouillent dans la rue. Entassés dans les cités HLM et dans les zombies. Ils veulent nous baiser, nous censurer. Ils y arriveront pas en gare. Maintenant leurs gosses mettent à saper comme nous, à parler comme nous. Banlieusard, ne lâchons pas le combat. Pas à pas la rue nous a rendu des couillards. Banlieusard, nous avons les mêmes armes. La femme de l'injustice brûle en toi et en moi. Banlieusard, ne lâchons pas le combat. Pas à pas la rue nous a rendu des couillards. Banlieusard, nous avons les mêmes armes. La femme de l'injustice brûle en toi et en moi. Banlieusard, ne lâchons pas le combat. Pas à pas la rue nous a rendu des couillards. Banlieusard, nous avons les mêmes armes. La femme de l'injustice brûle en toi et en moi. Banlieusard, ne lâchons pas le combat. Pas à pas la rue nous a rendu des couillards. Banlieusard, nous avons les mêmes armes. La femme de l'injustice brûle en toi et en moi.